Bonjour et merci d'être fidèle à l'histoire en vidéo. Donc, après Childéric II, nous avons comme roi mérovingien Thierry IV. Élevé à Chelles, ce roi, qui ne quittera pas vraiment Chelles, signe quelques diplômes, conforte le diocèse du Mans dans ses privilèges et meurt relativement discrètement en 737 à 24 ans. Pendant le règne de Thierry IV, Charles consolide son pouvoir. Menacé par les Lombards d'un côté et les Sarrasins de l'autre, le pape Grégoire Ier lui envoie un morceau des liens de Saint-Pierre, une relique prestigieuse, destinée au roi. Et pourtant, cette relique lui est destinée personnellement. C'est pour Charles Martel une véritable reconnaissance. L'invasion sarrasine sera pour lui l'occasion aussi d'affirmer son pouvoir au sud de la Loire, pas seulement au nord, mais aussi au sud. Le sud de la Loire est un territoire qui appartient en théorie au royaume mérovingien, mais où, depuis la deuxième moitié du 7e siècle, ducs, patrices, évêques règnent sans partage. En 721, Eudes, duc d'Aquitaine, lui demande de l'aide pour lever le siège de Toulouse. Charles refuse de lui venir en aide, se souvenant de la guerre encore récente qui les a opposés, mais aussi conscient que ce duc gère son duché comme un véritable empereur en son royaume. C'est quand les envahisseurs musulmans, conduits par leur chef Abdelrahman, empruntent la voie romaine qui les conduit de Poitiers à Tours, que Charles décide de les affronter en bataille rangée. C'est la fameuse bataille de Poitiers en 732, la bataille du pavé aux martyrs pour les musulmans et la bataille de Tours pour les Anglais. Pour les chroniqueurs arabes, les troupes et les familles venues avec Abdelrahman ont subi un véritable martyr. Les chroniques mozarabes, écrites par un moine du 8e siècle réfugié en Austrasie, le seul royaume chrétien en Espagne, insistent sur la supériorité de la stratégie militaire adoptée par les Francs. Présenter un mur de fer hérissé de lances contre les chevaux légers arabes, pendant que les troupes du duc d'Aquitaine les prend à revers, c'est la certitude de la victoire. Le chroniqueur du Frais des Guerres insiste, lui, sur la volonté de conquête musulmane et donne des chiffres un peu fantaisistes, 1500 morts contre 380 000 morts du côté musulman, pour montrer l'aspect miraculeux de la victoire de Charles Martel et l'aspect exceptionnel de leur champion. Mais la rémunération des hommes sur les biens de l'Église, pillés par les hommes de Charlemagne, lui fera perdre l'appui de l'Église gallicane et du pape. Charles Martel va toutefois prendre prétexte de cette victoire pour étendre son pouvoir en Aquitaine et en Provence. Pour la Provence, il va nommer Abbot, noble bourguignon, patrice de Provence, à la place de Metranus, un gallo-romain, peu de temps après la bataille de Poitiers. Abbot prend ses fonctions à Marseille, qui est donc la capitale de la Provence, depuis Clotaire II. Très vite, le nouveau patrice, se rend compte que la ville ne prend pas au sérieux les décisions prises par Thierry IV et s'affranchit de fait de la tutelle franque. Une armée franque est donc envoyée et le patrice met à sac la ville de Marseille. L'abbaye de Saint-Victor, célèbre pour avoir vu la floraison de l'école de théologie de Marseille au début du 5e siècle, est dépossédée de ses biens. Une ambassade de l'évêque de Marseille, Abdalon, pour tenter de les récupérer, échoue. Les Marseillais ne supportent plus la tyrannie du patrice Abbon et demandent à un noble marseillais, issu d'une famille patricienne, Moronte, de prendre la tête de la révolte. Prenant le titre de duc, Moronte promet de rejeter le joug franc. Il veut en réalité venger la ville du sac que les troupes de Charles Martel l'ont fait subir en 734. Et donc, pour rejeter le joug franc, Moronte se rapproche du seul ennemi vraiment dangereux pour les Francs, ce sont les musulmans et notamment le gouverneur musulman de Narbonne, Hatim, avec qui il conclut une alliance militaire. Comme avance dans cette alliance, Moronte donne à l'émir les villes d'Avignon, Arles et Marseille, villes sur lesquelles les Mahométans exerceront un protectorat en échange d'un impôt, soumettant ces populations à la dhimmitude. La réponse de Charles ne se fait pas attendre. Il envoie son demi-frère Childebrand, le premier auteur du Frais des Guerres, récupérer la ville d'Avignon, puis Arles. Les deux villes sont reprises, brutalement. Moronte se réfugie alors à Marseille, occupée par les Sarrasins. Cette guerre menée par Charles montre la supériorité technique des Francs, notamment dans l'art du siège militaire ou poliorcétique. Perrières, catapultes, objets enflammés, béliers, tranchées, beffroi, inventés juste pour l'occasion, entraînent la chute de Marseille, malgré ses hautes murailles et son vieux port habilement protégé. La chute de Marseille est comparée d'ailleurs à la chute de Jéricho dans la Bible, par les chroniqueurs ultérieurs. Escorté par Hatim, Moronte s'enfuit après avoir dit devant ses derniers fidèles « Nous sommes Marseillais, nous refusons d'être Français » et d'ajouter « Je reviendrai », promesse qu'il n'a pas tenue. Certains disent qu'on peut encore entendre certains soirs dans les calanques le duc Moronte sangloter. Saint-Victor est brûlé. La brutalité de la reconquête de Charles lui vaudra le surnom moqueur de Martel, plutôt que sa victoire à Poitiers. En remontant vers le nord, les Francs ne manqueront pas, d'ailleurs, de mettre à sac les régions qu'ils traversent. Nîmes, qui est reprise aux Sarrasins, est entièrement mise à sac. Béziers, Uzès, Agde, Maguelone, etc. Partout où se trouvent des poches musulmanes, les Francs libérateurs vont se livrer à des exactions. Le dicton de Charles Martel pourrait être celui-là, qu'ils me haïssent, pourvu qu'ils me craignent. Il est probable aussi qu'une rémunération sur le butin en l'absence de salaire motive les membres de son armée à agir ainsi. Merci et à bientôt.